Les années passent et s'effacent comme les saisons. Le temps nous tue, voilà notre pire ennemi. Alpine Star, plaqué la combinaison. J'suis sur Yamaha avec des pneus Pirelli. Vato les kilos, on remplace les grammes. À force de rêver, forcément on vise ailleurs. Les yeux black and red sous le casque intégral. Et sous la selle, y'a pistolet mitrailleur. Elle pense qu'à ton bif, toi t'es hanté par sa chatte. Société de consommation hantée par l'achat. On t'avait prévenu, mais t'es revenu à la charge. Tu vis le fou, alors on te crée à l'achat. Y'a des questions pareilles, c'est qui ne s'opposent pas. Du genre, tu sauves la maman ou bien tu sauves l'équipe. Si t'as trop jaté, alors on t'arrosera. Les gens sont moins bavards devant une putain de calage soviétique. Lorsque t'es un petit choc, c'est l'impression qui bat la WAM. On avait besoin de soi, alors on bicrave à la WAN. On rêvait des îles, mais on est pissé par la douane. Petit fils de pute, nique ta grand-mère, j'aime pas d'Awan. Un serrage de main, ça y est, on s'est mis d'accord. Il veut sauter, ok, ok, ramenez-lui la corde. La rue, il aime tous, ici, l'appelle mis à mort. Jette un coup de sur le terrain depuis le Mirador. Ce qu'on veut, est-ce qu'on l'aura? Ce qu'on veut, est-ce qu'on l'aura? Ce qu'on veut, est-ce qu'on l'aura? Dans nos têtes, c'est le cartel de Sonora. What up, boys? What up, boys? Dans nos têtes, c'est le cartel de Sonora. What up, boys? What up, boys? What up, boys? What up, boys? On rêvait sans sortir, mais je crois que c'est pas pour demain. Ni pour aujourd'hui, ni pour avant-hier. Si on te dit merci car on te répond de rien. Pour la belle vie, on a niqué des grands-mères. À quoi une barre? Chacun pense à part. J'en vois plein temps, menteur sur le Yamaha. Faut que le décart, tu veux me fumer des barres. Père de mon blanc, oui, je vis sur l'Himalaya. Sache que les beaux comptes devant les bons associés. Si j'ai confiance, j'aurai droit comme un fusil. Car on serait intact, mon intérieur est cabossé. Trêve de confidence, j'ai le confort comme en Russie. T'es sauf en touche, je te regarde depuis le terrain. Sur le bras droit, ce brassard de capitaine. Si t'es ça, je te le donnerai à la fin. Dis-moi qui tu crames, et surtout ne me dis pas qui t'aime. Pareil, si tu sais les rues de la chanson étroite. Dire que j'aime l'argent serait un putain d'euphémisme. Crois le carlo, je m'endors dans le 5 étoiles. La vie sur leur mère, les putes sur le cours de tennis. Tes rappeurs préférés ont des gueules de toxico. Perdons la vie après avoir perdu l'odorat. Je crois qu'un jour ça va finir comme Érico. Dans nos têtes, c'est le cartel de Sonora. Ce qu'on veut, est-ce qu'on l'aura? Ce qu'on veut, est-ce qu'on l'aura? Ce qu'on veut, est-ce qu'on l'aura? Dans nos têtes, c'est le cartel de Sonora. What up, boys? What up, boys? Dans nos têtes, c'est le cartel de Sonora. What up, boys? What up, boys? What up, boys? What up, boys? Ce qu'on veut, est-ce qu'on l'aura? Ce qu'on veut, est-ce qu'on l'aura? Ce qu'on veut, est-ce qu'on l'aura? Dans nos têtes, c'est le cartel de Sonora. What up, boys? What up, boys? Dans nos têtes, c'est le cartel de Sonora. What up, boys? What up, boys? What up, boys?